Hey. Je rappe ma gueule pour éviter de parler seul. Impliqué par le son, les faux potes prennent par les seufs. Amitié rarissime, jette les valeurs à la poubelle. Rester droit dans les principes, esquiver le vice, la fosse n'est pas couverte. Ok, yeah, je dépite des rimes à cœur ouvert. Je peux me retirer de parler, je trouve des réponses dans mon cahier. Du répondant dans mes écrits, j'ai pas besoin qu'on vienne m'acclamer. De l'estime pour les vrais de vrais. Parle pas de frère, du gros degré dans mes regrets. C'est trop que je donne et rien que je reçois. Trop on me déçoit, rarement dans les réseaux. Où les bouffons font du tuning à défaut de rouler en sportive. C'est tout dans l'apparence, le ridicule me fait sourire. J'crie la vérité dans l'ironie des gens. Trop futilité dans nos embrouilles, les jeunes. Vis sur tes gardes, la mesquinerie signe sa présence. Les gens sont mauvais, dans les propos très peu d'essence. Pas de ces gars qui se trouvent une pute pour leur faire la vaisselle. Pour mes projets j'assume, j'ai appris à faire seul, tu le sais, tu le sais. On danse pas sur du Ace of Base, c'est affolant, les plus petits se shootent à l'air subgun. On traîne entrée en requin, on nage et dans la merde qui te fait ramer. Le système, on s'alarme sa mère, les caméras espionnent ta vie. On veut te voler la liberté, ils guettent aux aguets à la vie. L'opportunité de te niquer, à cœur ouvert, j'lâche les mots qui m'alimentent. J'ai le poids des mots, et des mots j'ai le maniement. J'rappe les hauts et les bas de la vie. Parfois la réalité te fera être jeté par la vitre. À cœur ouvert, j'lâche les mots qui m'alimentent. J'ai le poids des mots et des mots j'ai le maniement. J'rappe les hauts et les bas de la vie. Parfois la réalité te fera être jeté par la vitre. J'ai d'un crête moment de ma jeunesse. J'ai côtoyé que des ratés, j'ai débordé dans ma faiblesse. Les moments où j'ai dérapé et on t'enfonce dans les rapports. Sache que les lascars ont des problèmes. Sans ressenti de vide dans le corps, qui vient me saisir quand tu te sens seul. Respect au pétage de cap, se contenter de combattre. Admiratif, simplicité. Faut se contenter de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a fait à ce putain de monde? Les darons vieillissent mal. Les allers-retours chez le psychiatre, faudrait que je porte un talisman. Okay. Traîner seul, t'apprends compte, fais des fautes. Écris du rap, je ressasse mes envies, mais fais mes fautes. Je sors, j'ignore le quartier, mon avenir n'est pas dans ma cave. Quotidiennement, je croise des camés, des épaves dans la cam. Au tournant de ma vie, je laisse derrière moi les langues de pute. Entends bien les catins, je fais sans eux, j'en veux plus. J'ai trié les amis, je vaille ceux qui ont pas de patrie. Je trouve ça dégueulasse, comme une meuf qui a pas de poitrine. Bref, je fais du rap, on m'a dit jamais. Mais lâcher ça, de rester simple avec valeur pour ne jamais laver le sol. Je marche avec des rêves dans une belle baraque faïencée. Qu'est-ce que c'est temps-ci? C'est avec la haine que je me suis fiancé. Explication dans mon phrasé, t'apprends mon trait dans les fourrures. C'est bon, j'ai capté, tracer ma route, c'est ce qu'il faudrait. À cœur ouvert, j'lâche les mots qui m'alimentent. J'ai le poids des mots et des mots, j'ai le maniement. J'rappe les hauts et les bas de la vie. Parfois la réalité te fera être jeté par la vitre. À cœur ouvert, j'lâche les mots qui m'alimentent. J'ai le poids des mots et des mots, j'ai le maniement. J'rappe les hauts et les bas de la vie. Parfois la réalité te fera être jeté par la vitre.